Soyez tous salués. Merci une fois de plus pour ceux qui sont toujours fidèles à mes enseignements, à mes interventions. Merci que tous, quelle que soit votre obédience religieuse, quelle que soit votre appartenance spirituelle, je transmets ici une fois de plus au travers de cet écran toutes les bénédictions du grand Créateur. Parce que c'est lui qui est le grand architecte, c'est lui qui transmet tout, c'est lui qui donne en réalité tout à l'homme, le souffle de vie qu'il vous prête gratuitement. Veillez en être quand même reconnaissant quand vous vous réveillez ce matin. Quand vous êtes réveillé ce matin, est-ce que vous lui avez dit merci pour le souffle de vie? Parce qu'il fait des merveilles pour nos vies, n'est-ce pas? Maintenant, pour l'approcher et peut-être pas trop le connaître, c'est difficile de connaître Dieu, mais des questions me sont toujours posées dans nos forums. Et d'ailleurs, pour tous ces nouveaux venus, je tiens ici à vous dire merci. Merci une fois de plus parce que mes vidéos, de loin ou de près, vous ont certainement touché. Peut-être que mes forums ou de bouche à oreille, certainement des amis vous ont parlé de M. Moreau Nouvier, qui est votre humble serviteur ici. Je ne m'appelle pas l'élu de Tétanzambé, mais je suis bien Moreau Nouvier. L'élu de Tétanzambé, c'est le nom de la chaîne. Demain, après-demain, si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre peut prendre la relève et continuer à transmettre le message de Tétanzambé. Parce que toute personne qui a la connaissance connaissante, la connaissance expérimentale, et qui détient quand même quelques, pour ne pas dire, des bonnes bases des grands mystères de la vie, qui comprend les mystères de la vie, qui peut expliquer la mort, la vie, et tout ce qui se passe, les comportements des humains, ce qu'on appelle le paranormal, devait être à mesure de venir parler ici. Donc, ne soyez pas surpris qu'à l'avenir, il y aura certainement, à l'avenir des personnes qui désormais viendront parler ici quand je suis absent pour préparer la relève. Donc aujourd'hui, je viens donc répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des nouveaux abonnés, c'est-à-dire tous ceux qui sont nouveaux au niveau de ma chaîne YouTube, ceux qui à peine me découvrent, et également au niveau des forums. Et bien sûr, ces nouveaux-là viennent toujours avec la même question. Ils m'écrivent en privé, « Maître, je veux me faire initier par vous. » Vous voulez vous faire initier par moi? Ce n'est pas mauvais comme requête, n'est-ce pas? Mais il faut que je vous explique un peu les quatre étapes, autant pour moi, comment l'initiation se passe. Et il faut d'abord que je vous donne la définition du mot initiation, pas selon le générique du dictionnaire de nos frères blanc là-bas. Non. Là, je vous amène l'initiation africaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien. Il faut bien retenir que la terminologie initiation, le mot initiation, de manière générale, c'est vous introduire dans une chambre secrète. Voilà, cette définition, vous ne l'avez pas dans le dictionnaire, mais initier, je dis bien, je ne prends pas la définition du dictionnaire, parce que si je prends la définition du dictionnaire, l'informatique, on peut vous initier dans l'informatique. J'ai été initié dans ce qu'on appelle public speaker, c'est-à-dire conférencier international. J'ai été initié pour cela, c'est-à-dire que je suis allé apprendre cela à l'école. J'ai été initié dans la psychologie du comportement de l'homme. C'est une forme d'initiation et c'est ce que j'applique dans le boulot que je fais actuellement au niveau de l'hôpital psychiatrique où je travaille. Mais je ne parle pas de cette forme d'initiation. Je parle de l'initiation africaine. Un Africain, quand vous entendez un Africain qui vous dit « je suis un initié », il ne vous parle pas de l'informatique, il ne vous parle pas d'autre chose. Tout de suite, quand un Africain vous dit, je vais vous parler des phénomènes initiatiques, je vais vous parler de l'initiation. Donc, quand il dit cela, ça veut dire pensez tout de suite au mystère, pensez tout de suite à nos rites, à nos traditions. C'est de ça dont il est question. Donc, l'initiation, chez nous, dans nos traditions, c'est d'abord, avant tout, secret. C'est nous qui avons révolutionné tout, de venir ici s'asseoir, partager les connaissances ici, là, devant le public, devant sa chaîne YouTube, ou bien, je ne sais pas, sur sa page Facebook. Mais en réalité, depuis la nuit des temps, chez nous en Afrique, l'initiation, on ne parle pas. Un véritable initié, parce que initiation venant d'initiatum, venant de commencement, des bribes, des petites connaissances pour vous faire grandir, on vous attrape par la main et on vous amène et on vous fait rentrer entre les jambes et on vous souffle et on vous fait ceci. Donc, l'initiation, c'est aussi le gestuel. L'initiation, c'est aussi la parole sage. L'initiation, c'est aussi les rites. L'initiation, c'est aussi la connaissance orale. L'initiation, c'est aussi la compréhension des grands mystères de la vie à travers les contes. Les contes qui sont basés sur la société africaine à partir de nos forêts. On vous dira des contes, par exemple, la grenouille et le poisson, la gazelle et la panthère, la panthère noire et le lion. Pourquoi l'éléphant et le lion se sont séparés des royaumes? Pourquoi on dit que le lion est le roi de la forêt, mais en même temps, l'éléphant, n'est-ce pas? Il y a un moment donné, l'éléphant ainsi revendiquait cette position. Donc, tout ceci, c'est des formes d'initiation. Moi, je connais plus de 200 contes de chez moi, dans le Gabon profond et le Congo. Et je peux faire compter ces contes-là dans mes deux langues que je maîtrise, c'est-à-dire dans la langue gallois, également dans la langue guissir, et un peu dans la langue saké, parce que c'était ma grand-mère saké qui m'avait le plus donné beaucoup de contes. Et ces contes-là font partie du cadre initiatique, car c'est à travers ces contes que vous apprendrez beaucoup de choses, comment vous devez vous conduire à l'avenir. Donc, vous voyez, il y a une grande diversité sous le mot initiation. Quand un Africain vous dit « je suis un initié », ce n'est pas seulement le mec qui sait fabriquer un joujou, ou bien un gris-gris, ou bien un fétiche. Non, ce n'est pas ça un initié. Un initié, c'est vrai, il connaît aussi cela. Mais c'est vrai aussi qu'il maîtrise les quatre éléments. Hein? L'eau, le feu, l'air et la terre. Il doit connaître la fonctionnalité. Un initié aussi doit vous amener dans l'initiation, de comprendre comment cette corrélation entre les quatre éléments. Et également, l'initié doit vous faire comprendre que derrière chaque élément, il y a des forces. Et que ces forces sont générées par la force universelle cosmique fondamentale. Mais cette force cosmique ou énergie ou esprit fondamental a délégué des pouvoirs à certaines petites forces que nous appelons des génies. Donc, dans chaque élément, l'élément air par exemple, à ce qu'on appelle, il y a des génies qui maintiennent cet élément-là. Il y a toute une catégorie. Mais les plus petits qui, on a la plupart du temps vu, les génies par exemple de l'eau, on les appelle les ondines. Les esprits du feu, on les appelle les salamandres. Voyez-vous, les esprits de la terre, on les appelle les gnomes. G-N-O-M-E-S. Vous avez vu des petites créatures de petite taille. Mais ces êtres-là, moi personnellement, je les ai vus, nous avons également les elfes, autant pour moi. Les esprits de l'air qu'on appelle les elfes, c'est des petites créatures ailées que vous allez voir parfois au bord de la rivière, nous qui avons grandi au village. Vous verrez que les esprits, les elfes-là, parfois viennent se communiquer avec les ondines. Oui, oui, oui, j'ai vu cela moi-même dans la zone d'Adegelié. Adegelié, c'est dans la zone du lac Azingo, en allant vers le lac Azingo. Parce que c'est des zones trop calmes, un calme lugubre. S'il y a des gens qui sont de chez moi, l'embaréné du côté de mon père, allez-y au lac Azingo, allez-y dans ce village qu'on appelle Adegelié. Vous verrez des miracles, des êtres qui vont apparaître, on ne sait d'où. Donc, c'est là où j'ai vécu cette expérience. Voyez-vous, donc l'initiation fait également partie de la connaissance. Il faut connaître également, non seulement connaître, il faut apprendre à les manipuler. Moi, personnellement, j'ai manipulé les esprits des airs, qu'on appelle les elfes de l'air, l'élément air, parce que je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Parfois, je sens leur passage. Mais ces êtres-là, qu'on appelle aussi des génies, on les appelle petits, c'est par rapport à leur rôle. Leur rôle n'est pas trop un rôle alarmant ou un rôle de violence. Ils jouent un rôle beaucoup plus protecteur, un rôle beaucoup plus de gardien. Ils gardent ces éléments-là. Voyez-vous, ça fait partie de l'initiation. Donc, non seulement vous devez connaître cela, mais en dehors de cela, il y a également au niveau des règnes. Voyez-vous, le règne minéral. Par exemple, tous les minéraux que vous voyez ont également des entités. Et c'est ce que nous, dans notre rôle d'initié, et là vous voyez le mot initié en Afrique, ça entraîne de grandes connaissances globales, connaissances connaissantes, c'est-à-dire vous devenez Dieu. Incarné. En d'autres termes, vous devenez un dieu, parce qu'un dieu, c'est celui qui a une connaissance impérissable et inépuisable, infatigable, quelle que soit la question que vous allez poser. Et maintenant, quand je veux vous amener au niveau des cinq règnes, il faut d'abord savoir quels sont ces cinq règnes. Et ces règnes-là, on les voit où? Qu'est-ce que c'est un règne? Je vais commencer par d'abord le règne humain. Le règne humain, c'est bien sûr tous les êtres qui sont sur terre. Nous tous là qui avons les nez, les deux mains, les deux pieds, ça c'est ce qu'on appelle le règne humain. Quelle que soit la race, que vous soyez blanc, jaune ou noir. Là, il faut étudier cette cosmogonie-là. Il faut étudier l'être humain tel qu'il est. Donc, l'être humain, dans le règne de l'être humain, il faut savoir utiliser les pouvoirs paranormaux. Ce qu'on appelle un pouvoir paranormal, ce sont des phénomènes qui, parfois, on pense que c'est le hasard. Et à un moment donné, même quand on est religieux, mais attends, je pensais à M. Mabako, et bizarrement, Mabako se retrouve devant ma porte. Comment ça s'est passé, ça? Et c'est ça, moi j'ai un diplôme sur ça. On appelle ça l'étude du paranormal. Il y a des gens qui passent des années et des années à observer le comportement de l'homme et à observer les événements. Donc ça, ça fait partie du paranormal. Le paranormal, un peu, c'est de la parapsychologie. Par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous rêviez que vous étiez en train de voler comme un oiseau et puis la journée, vous vous réveillez, vous êtes très en forme. Maintenant, nous, en parapsychologie, on appelle ça que votre âme a atteint une dimension tridimensionnelle, a atteint un niveau tridimensionnel qui fait que votre esprit est prêt à pouvoir voler. Donc, il faut maintenant vous concentrer sur ce qu'on appelle la bilocation consciente. Parce qu'il y en a quatre catégories de bilocation. Bilocation veut dire sortir consciemment de votre corps. Et là également, c'est le chapitre l'initiation. Oui, là, je parle des généralités. Donc, le règne humain, il faut le connaître, comment il fonctionne, comment les êtres humains interactent, comment telle femme, vous la draguez, elle ne veut pas de vous, pourtant vous êtes beau, vous avez les millions. Ça, c'est un phénomène qu'on peut vous expliquer. Comment expliquer que vous êtes vilain, vous avez une mauvaise odeur, je ne sais pas trop, vous n'êtes rien, calboigné, comme M. Rasputin. Mais ce monsieur, les reines, les femmes du monde tombaient amoureux de lui. Comment expliquer cela? Ça fait partie de l'étude du règne humain. Il y a des interférences, des forces qui se dégagent, qu'on appelle des forces spirituelles. Les forces de votre aura, l'impact de tout cela. Et nous avons également le règne, par exemple, animal. Au niveau des animaux également, il y a des phénomènes mystico-spirituels qu'on peut exploiter. Parce qu'il faut l'autorisation des esprits qui sont sous le règne, qui sont au-dessus du règne des animaux. Il faut l'autorisation, par exemple, de prendre la peau, de tuer la bête, là. Il y a un rituel. La bête qu'on appelle chez nous la civette, que les gens du Bouiti, du Njembi, toutes nos initiations chez nous en Afrique, souvent on utilise cette peau à des fins initiatiques. Mais avant de pouvoir extraire cette peau-là, il y a des rites. Il faut rentrer donc en communion avec le règne animal. Le règne minéral, comme je vous ai dit, il y a des mines. Mais ces mines-là que vous allez exploiter n'importe comment, les diamants, l'or et toutes ces histoires-là, savez-vous qu'il y a des entités, en dehors des entités qui gardent les quatre éléments que je viens de vous citer, il y a également des esprits qui gardent l'or, qui gardent les diamants. Nous, dans nos villages, nos grands-parents nous ont appris comment communiquer. Au lieu de vous tracasser, mais vous parlez à ces esprits-là, vous vous adressez d'abord aux entités, mais comment on appelle ça, aux ancêtres, et les ancêtres qui, eux, communient avec ces esprits-là, vont pouvoir donc leur demander l'autorisation de vous ouvrir les portes par rapport à un Chinois qui va venir avec des machines sophistiquées qui coûtent des millions, mais vous, sans machine, vous trouverez l'or, on va vous sortir ça. Vous trouverez les diamants, on va vous les sortir. Donc là, c'est la maîtrise de ce règne-là, le règne minéral. Il y a également le règne végétal. Dans le règne végétal, on va vous entraîner dans la magie verte. C'est comme ça qu'on appelle ça. La magie verte, la magie animale, la magie humaine. Là, je vous ai déjà parlé. Tout ça, c'est l'initiation. Il faut connaître donc les vertus des plantes. Il faut connaître, il faut savoir comment parler à la plante, à l'arbre. Et ça, c'est des choses que moi, on m'a montré depuis le jeune âge. Et quand ma mère prend le temps de me montrer, mais c'est une forme d'initiation. Parce qu'initiation veut dire attraper par la main, conduire en vue de connaître, en vue de pratiquer, garder secret pour sauver la progéniture et les générations futures, pour le bien de la communauté, pour le bien du peuple. Aujourd'hui, la pharmacopée et tout cela travaillent en connivence avec les grandes compagnies pharmaceutiques, et lesquelles, d'ailleurs, utilisent les plantes à 90%. Le reste, c'est le règne aquatique. Maintenant, il y a également, vous voyez, je parlais du règne humain, le règne animal, le règne minéral, le règne végétal. Il y a un cinquième règne. C'est ça, ça fait partie également du domaine de l'initiation. C'est maintenant le cinquième règne qu'on appelle le règne le règne divin. Mais le règne divin, c'est comme le mot le dit, hein, ça c'est du domaine des dieux. J'ai bien du domaine des dieux, partant de Dieu lui-même, l'être suprême, le Père unique, créateur de tout, source de tout, l'alpha et l'oméga, mais qui a des divinités qui travaillent pour lui. On appelle ça les pouvoirs délégatoires, les maîtres invisibles, les dieux planétaires. Par exemple, la planète Terre a un dieu, où je ne suis pas autorisé à prononcer son nom, mais son nom commence par S. Rassurez-vous, ce n'est pas Satan. Non, non, non, non. Parce que Satan est maître dans toutes les autres. Et je ne parle pas de Satan, créature vilaine. Hein. Je parle de Satan, une entité égrégorique qui a été créée par la communauté religieuse à travers le monde, mais qui a créé également des forces négatives, malheureusement, qui détruisent la bonne conduite, la bonne marche de la, qu'on appelle ça, de la société sur Terre. Voyez-vous, donc, tout cela, c'est l'initiation. Je peux vous amener partout, mais je vous dis, ça prend du temps. Et ce n'est pas en une incarnation, quand j'entends des gens qui me disent, maître, j'aimerais que vous m'initiez. Mais je vais vous initier sur quoi et comment. J'aimerais devenir comme vous. Vous ne pouvez pas devenir comme moi. Vous ne pouvez pas devenir comme le maître Atombo Libenga. Vous ne pouvez pas devenir comme le maître, comment il s'appelait déjà, le premier ministre indien, là, il vit encore. Parce que lui, c'est aussi un maître mystique spirituel. Vous ne pouvez pas devenir comme Sandougou. Vous ne pouvez pas devenir, je ne sais pas. Ça dépend de ces incarnations. Parce que ces mecs-là, comme je l'ai toujours dit aux gens, moi, je suis à ma troisième incarnation consciente à 185 ans. Dans la pratique de ceci et en train de parler les mêmes choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y aurait pas la vidéo, mais les gens, j'allais dans certains coins, j'ai même reconnu un coin qui, aujourd'hui, on l'appelle la Centrafrique, je passais le temps à parler de ces mêmes choses auprès de vous. Cela paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est cela, les phénomènes initiatiques. Parce que l'initiation va également vous permettre de connaître votre passé. Et ce n'est pas en faisant de la tchatch, ce n'est pas en parlant. Voyez-vous, chez nous, en Afrique, l'initiation, ce n'est pas en parlant. Mais je vous ai donné une liste de beaucoup de choses, là. Parlant de l'initiation, je vous ai dit autour du feu, les parents nous donnaient des connaissances, nos grands-parents nous faisaient passer, nous faisaient passer certaines informations. Ça fait partie de l'initiation. Il fallait apprendre, je crois que dans les forums, j'ai mis la liste, par exemple, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Maintenant, moi, ma méthode, aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Il y a des frères initiés qui font passer les initiations sous forme, virtuelle. C'est-à-dire qu'ils ont créé des écoles initiatiques en ligne. Mais je vous dis, là, je vous ai toujours dit, si les nouveaux là, écoutez bien, moi je ne peux pas, je suis contre cette méthode. Et avant de vous parler de mes quatre méthodes, pourquoi je suis contre cette méthode? Mais parce que les écoles qu'on fait en ligne, vous n'avez pas une idée de qui. Là, vous me voyez, vous avez peut-être une idée de qui je suis, mais vous ne savez pas ce que moi je fais dans l'ombre. Vous ne savez pas réellement. Je peux vous tromper par le sourire. Mais heureusement que beaucoup d'entre vous qui m'ont vu en France, beaucoup d'entre vous qui m'ont vu en Afrique, beaucoup d'entre vous, tout à l'heure, c'est un jeune frère, il a presque l'âge de mon fils, il a 35 ans d'âge, un jeune frère blanc. Je ne vais pas citer son nom, hein? Il m'appelle presque tout le temps. Mais maintenant, il commence à s'habituer, il s'excuse beaucoup parce qu'il pensait, quand il envoie ses messages là-bas en France, il tente m'appeler, il est 5 heures du matin ici. Or, pendant ces heures, je suis en pleine méditation. Parce que moi, mes méditations commencent à 4h30 jusqu'à 6h du matin. Je fais mes yoga et tout et tout. Quand donc il a appelé. Bref, c'était un exemple pour vous dire que les connaissances initiatiques, il vous faut d'abord comprendre qu'à notre ère, ce n'est pas n'importe qui que vous devez accepter comme ça et adhérer à l'école. Voyez-vous, je connais beaucoup d'écoles en ligne, mais en même temps, beaucoup d'entre elles ont une mauvaise presse parce que les anciens membres qui étaient dans ces milieux-là se plaignent auprès de moi. Ils sont rentrés dans mes forums. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ma méthode à moi. Et vous dire les quatre méthodes que moi j'utilise. Ma méthode à moi, elle passe par quatre méthodes. Pardonnez-moi d'être tautologique. C'est-à-dire qu'il y a quatre étapes dans ma méthode. Mais je vais beaucoup insister sur les écoles en ligne. Beaucoup m'ont sollicité effectivement que je puisse ouvrir des écoles en ligne. Je ne suis pas contre. Il y a toute une équipe là. Des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, des génies de l'informatique en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France. J'ai été beaucoup sollicité au Canada. Et ce n'est pas des petits, c'est des ingénieurs, c'est des masters, ils ont des masters en infotechnologie, en infotélégraphique, en informatique et tout et tout. Mais je leur ai dit merci, mais non. Parce que déjà, au vu des renseignements que j'ai eu auprès de certains, ça veut dire que désormais, je ne dois même plus travailler. Parce qu'il y a des sécurités qu'il faut mettre. Les histoires en virtuel, les gens peuvent vous mettre des pièges, les gens peuvent vous télécharger n'importe quoi, vous allez ouvrir bêtement et vous recevez un virus. Ou bien vous êtes hacké. Il y a des conséquences dans tout cela. Non seulement le hacking, non seulement d'autres choses, mais surtout, nous, quand on parle d'initiation en Afrique, il s'agit de vous mettre votre esprit en connexion avec soit l'esprit de vos ancêtres ou avec l'esprit des génies de la nature. Comment par méthode virtuelle je peux vous mettre en connexion? Certains ont dit non, on transmet les rites. C'est bien beau, moi aussi je suis rentré dans le jeu, j'ai mis des rites ici. Mais la différence que quand je mets mes rites sur la chaîne YouTube ici, dans les forums, j'explique. Et je mets mes méthodes en place. C'est la quatrième méthode qui consiste donc, lorsque je donnais un rituel, par exemple, les gens viennent toujours me poser la question sur le rituel, le rite du vin. Je vous le répète que quand vous venez me poser des questions, quand vous constatez que je ne vous réponds pas, mais maintenant vous allez l'apprendre aujourd'hui. Et le rite du vin, le rite de l'urine, le rite de comment encercler un sorcier, le rite du cercle de l'Himalaya, hein, c'est-à-dire le sel jaune là, de l'Himalaya. Vous me posez des questions, les vidéos sont là. Je vous avais bien prévenu que si vous venez, vous voulez encore que je répète les mêmes choses et que vous m'appelez en privé, c'est payant et que c'est 350 $ pour cela. Je l'avais dit, parce que les enseignements que j'ai déjà donnés, je ne peux plus me permettre encore de venir toujours répéter cela. Les gens qui me posent des vidéos me mettent, je ne retrouve pas telle vidéo là où je parle des testicules. Mais je parlais de deux formes, parler de deux choses. Je parlais qu'il y a des rites ancestraux chez nous en Afrique, chez nous précisément au Congo et au Gabon, où on vous fait des clarifications au niveau de vos testicules et on récupère ce sang-là. Je n'étais pas rentré dans l'état, mais j'avais dit c'est un rite. Je l'ai subi chez les Kota. On vous blesse les testicules et le sang doit couler. Et ce rite-là joue plusieurs rôles dans le plan matériel. Rôle de protection, rôle de bander fort jusqu'au jour où vous allez mourir, même si vous avez 200 ans, rôle d'attirer certaines forces, rôle de ceci et cela. C'est un rite secret. Vous voyez, vous me posez la question sur ces testicules-là, la personne qui m'a posé ça dans les forums. Ça, c'est la première explication du rite sur les testicules. On vous pile dessus, on vous prend, on vous blesse pour faire couler le sang. C'est un rite. D'accord? Maintenant, la deuxième méthode des testicules, il s'agit d'autres techniques en rapport avec la pratique, on appelle ça comment, de la magie druidique. Ça, c'est les gens de l'Europe du Nord. Ils ont leur technique à eux là-bas que j'ai puisée et que j'utilise pour certaines personnes, mais beaucoup plus mes frères. Voilà. Parce que toi, tu es africain, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Voilà. Il y en a d'autres méthodes sur les testicules. Il y a des techniques aussi de testicules où vous pouvez demander à la femme de pouvoir utiliser un organe de son corps pour pouvoir stimuler les testicules. Ça a un rôle important. Parce que la testicule, je crois, c'est près de 45% de puissance pour permettre l'homme de se mettre en érection intense. Bref, il y a trop d'informations. Mais donc, quand vous me posez la question, mais vous parlez des testicules, maître, j'aimerais que vous me donniez la vidéo. Mais vous voulez que moi, je fasse comment? Soyez des bons étudiants parce que, justement, la première méthode initiatique que je propose, veillez. Voilà pourquoi je vous avais dit, je ne mettrai plus des rites ici. Il fallait que je vienne aujourd'hui l'expliquer une fois de plus. Veillez, s'il vous plaît. L'initiation des temps modernes, pour moi, ça commence par la connaissance connaissante. Pourquoi j'ai dit connaissante? Parce que je l'ai expérimenté et je vous donne des rites. La plupart des enseignements ici, plus de 50%, c'est pratique. Pour nos frères religieux, je vais même donner des techniques. Comment utiliser les psaumes? Comment utiliser le Notre Père? Le livre sur la lumière sur le royaume, Monsieur Moriasson vient encore, Monsieur Alexandre Moriasson, qui est le producteur, pour ne pas dire le diffuseur de ce livre-là. Certes, je n'ai pas passé de temps à discuter avec lui, mais avec son autorisation, j'ai dû expliquer certaines parties de ce livre. Je ne suis pas rentré en détail. J'ai expliqué que c'est un livre qu'il faut lire pendant au moins 28 jours avant de le pratiquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué. Vous partez à la page 385 ou 435, mais lisez les instructions qu'on vous dit. Que tel est le rite, il faut le pratiquer de 0 à 1 an. Et tel rite, il faut le pratiquer après 2 ans ou 3 ans. Mais pourtant, le monsieur explique ça dans son, hein, à la conclusion de son livre, n'est-ce pas? Donc, tout ceci est expliqué. Alors, quand vous venez encore me poser des questions comme ça, je vous dis, je vous charge $350 à prendre ou à laisser. Donc, soit vous allez beaucoup étudier, vous allez vous casser la tête à étudier, soit, comme vous voulez la facilité, vous venez me voir, il n'y a pas de problème. Vous déboursez $350 et je vais m'asseoir avec vous pendant une heure en vidéo, vous expliquer tout le gestuel, vous expliquer quelle prononciation qu'il faut faire, ceci, cela, et vous expliquer en fait des choses que j'ai déjà expliquées dans les vidéos. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Donc, apprenez, s'il vous plaît, première méthode initiatique de M. Moréo Nouvier, c'est de pouvoir suivre ces vidéos. Les vidéos, là, je me suis cassé la tête jour et nuit, mais privé de sommeil, ouais, jusqu'à même call off au niveau de mon travail. C'est des enseignements qui sont chargés sous inspiration de mes entités, que vous voyez des symboles derrière moi et tout et tout. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort. Si je vous encourage, parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes ont pratiqué ces enseignements que je vous dis là. En moins d'un an, aujourd'hui, leur vie, elle a changé, la vie a changé. Elles viennent me faire des témoignages. Elles font des donations. Donc, elles me font des petits envois de sous. Je ne vais pas vous dire. Et des sommes, parfois, ça me surprend. Parce qu'elles expriment la reconnaissance. Faites la même chose. Il y a près de 406 vidéos. Commencez par les premières. Il y a des vidéos éducationnelles. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus pratiques. C'est à vous de faire la recherche. J'ai même pris le soin de demander à l'un de mes administrateurs, l'un de mes enfants, de vous mettre la vidéothèque à votre disposition. La vidéothèque, elle est là. Dans cette vidéothèque, il y a près de presque combien? 200, 300 vidéos. Mais vous venez encore me poser la question, comment s'initier? Donc, première méthode, le comment s'initier auprès de M. Moréo Nouvier qui vous parle est la suivante. Instruisez-vous, éduquez-vous auprès des vidéos. Aujourd'hui, il y a des enseignements qu'on donne sur vidéo, non? Qui sont payants. Moi, je m'en souviens, je suivais des enseignements auprès d'un jeune là, comment miser son argent dans les bourses, sur les bourses. Je vous dis, j'ai dépensé près de $7,000, l'équivalent de 3 700 000. J'ai payé. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai mis de l'argent pour pouvoir avoir accès, comment investir mon argent et quelle société il faut miser. Mais moi, je vous donne ça gratuitement. Donc, première méthode, veillez suivre les vidéos qui sont ici, que beaucoup même téléchargent. Je vous autorise d'étudier ça. Étudiez. Et quand vous ne comprenez pas, venez dans les forums. Je vous dis, il y a près de 2000 sur les 4 forums. Là, il y a des gens qui sont plus avancés que moi. Posez vos questions. Mais vous insistez, vous mettez la question seulement au maître Nouvier. Et vous savez qu'il est dans les jours de silence, dimanche, lundi et mardi. Et vous insistez, au maître, vous me répondez. Vous m'appelez même au jour du silence. Mais arrêtez ça. Donc, il y a de la discipline quand vous voulez rentrer dans les écoles initiatiques. École initiatique veut dire l'école des véritables connaissances qui éveille votre esprit. Parce que c'est ça la véritable initiation. La véritable initiation, c'est celle-là qui éveille votre âme, qui éveille votre esprit. Le moyen de relais, de connexion avec vos entités, avec vos génies, avec vos ancêtres, avec les dieux et avec le Dieu suprême. Donc, retenez la première méthode. Suivez mes vidéos. Deuxième méthode. Les forums. La deuxième méthode, soyez toujours présent dans les forums. Quand il y a une question qui vous traverse l'esprit, posez des questions. C'est là-bas où je réponds. C'est là-bas où j'explique. À l'époque, je prenais le temps de donner même des enseignements, mais après, je me suis fatigué. Je dis non, je donne déjà des enseignements sur la chaîne YouTube. Pourquoi dois-je encore aller donner des enseignements dans les forums? Donc, dans les forums, là-bas, on fait ce qu'on appelle l'interaction. On échange. Il y a des grands maîtres initiés qui sont là-bas, que ce soit du Bouiti, que ce soit de la sorcellerie indienne. Il y en a, blanc comme noir. Posez seulement vos questions, on viendra vous les répondre. Donc, la deuxième méthode initiatique que M. Moréo nous met à votre disposition, c'est ces groupes-là, les forums. Mais ces forums ont des règlements. Mais il y a des gens qui sont, je ne vais pas utiliser un mot fort, qui sont là depuis, mais qui font encore exprès de poster des choses. On ne poste pas des affaires politiques dans mes forums. On ne poste pas des affaires en rapport avec les histoires de la santé, je ne sais quoi. On ne poste avec l'autorisation, seulement avec l'autorisation des administrateurs ou mon autorisation. Vous ne devez pas poster, vous devez d'abord vous adresser à moi, même si ça dure une semaine, attendez. Voici un autre défaut des jeunes d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas patient. Or, toute personne qui n'est pas patiente dans la voie initiatique, vous n'allez jamais devenir quelqu'un, spirituellement parlant, quoi. Vous n'allez pas réussir. C'est à dire la vérité, c'est celle-là. Dans la voie magique, c'est-à-dire la voie de l'excellence, de la maîtrise, de la prêtrise, des grandes connaissances universelles, pour vous transformer d'abord. Parce qu'il vous faut une transformation. Transformation veut dire, est-ce que vous êtes le même qui continue à mentir? Est-ce que vous êtes le même qui est esclave du sexe? Parce que le sexe est un handicap, hein, je vous informe, sur le cheminement spirituel. Quand vous aimez trop le sexe, vous n'allez pas aller, vous n'irez nulle part. Ah oui, ça je suis au clair avec vous. La véritable initiation interdit les activités sexuelles. Bon, maintenant, si vous êtes marié, vous devez vous entendre. Et il y a ce qu'on appelle des assises initiatiques. Mais on voit des gens qui sont encore esclaves du sexe. Vous baratinez les femmes, vous draguez les femmes, faites le désordre. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi il faut poser des questions dans les forums. J'ai même sorti une liste de grands commandements. Cette liste, elle est disponible. Mais je ne vois personne qui réagit. Vous gardez le coup. Vous pensez que vous allez évoluer spirituellement comment? Et vous posez la question, vous voulez vous faire initier? Donc, deuxième méthode, rentrer dans les forums. Troisième méthode, ceux-là qui suivent fidèlement mes enseignements, c'est-à-dire les vidéos, ensuite ils posent beaucoup de questions dans les forums et qui sont intéressés à avoir des articles parce que beaucoup me voient, oh non maître, je vous vois porter telle bague. C'est vrai, il y a des bagues qui sont disponibles. Ça s'appelle de la talismanie pratique. Je peux vous recommander, j'ai près de plus de 7, 9, voire actuellement c'est 12 personnes au total. Je viens d'avoir deux nouveaux Français qui se sont introduits à moi, qui sont des grands maîtres mystiques. Ils sont là dans la fabrication des articles magiques très puissants. C'est des Indiens, mais qui ont vécu longtemps en France. Donc, je peux vous recommander pour ceux qui veulent. D'accord? Mais une fois de plus, ne venez pas me demander des choses qui ne cadrent pas avec mon niveau spirituel. C'est-à-dire, maître, j'aimerais que vous me donniez des portefeuilles magiques. Je suis honnête avec vous. Les vrais portefeuilles magiques qui vont vous donner des millions, ça existe. Je les ai utilisés, mais les conséquences, je ne fais que vous le dire, vous devez sacrifier. Avez-vous vu déjà quelqu'un qui va recevoir de l'argent? Chaque vendredi, vous partez dans votre chambre, vous trouvez 4 millions de francs CFA ou bien 8 000 dollars qui sont déposés, des vrais sous des banques. Je vous expliquais le phénomène dans une vidéo aussi que ce sont des entités qui vont prendre cet argent dans des banques. Ils les détournent et ils vous les amènent. Mais ces entités travaillent pour le mec qui vous a envoyé cet article. Et ce mec qui vous a envoyé ça, vous pensez qu'il va vous donner ça gratuitement? Je vous dis la vérité, vous n'avez jamais entendu parler des gens en Afrique où on a sacrifié, oh, tel est mort bizarrement. Mais il y a toujours des sacrifices humains, si vous voulez tout savoir. Les portefeuilles magiques existent. Mais il faut faire des sacrifices humains. Ce n'est pas cadeau. On va vous dire, oui, les portefeuilles sont magnétisés. Ce n'est pas faux, le mien, celui que j'avais. Il était magnétisé. Mais sauf que j'étais très malin. Quand j'étais averti par mon grand-père et le papa Radiaka là-bas, Omboué, quand il m'a averti, il m'a dit non. Il te reste combien d'années? Un an. Allez, jette-moi ça vite. Vite, vite, vite. Va jeter ça au WC. Il m'a montré le rite. Mais j'en ai bénéficié et j'ai jeté vite. Pourquoi? Parce que si j'aurais dépassé les 3 ans, on devait me donner un sacrifice, demander un sacrifice humain. Donc ne me demandez pas ces histoires-là. Que cela soit clair. Oh non, je vais aller aider l'Afrique. Oh, je vais aider ma famille. La famille est trop pauvre. Mais vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup d'opportunités simples. Vous n'avez pas besoin de portefeuille magique. Moi, être au niveau où je suis, je n'ai jamais utilisé un portefeuille magique ici aux États-Unis. Oui, quand j'étais au Gabon, quand j'étais au lycée technique, je vous le dis, je n'avais pas moins de 350 000 chaque week-end, chaque semaine. Je recevais ça. D'accord? Donc ça, je recommande certains d'entre vous d'avoir des talismans. Ce n'est pas interdit. D'avoir des réceptacles, d'avoir des bagues. Oui, j'ai des amis. Et il y a beaucoup d'entre vous qui, aujourd'hui, sont très contents parce que je leur ai recommandé. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Mais c'est des articles qui activent votre esprit, qui vous protègent des dangers, des accidents, qui vous attirent le bonheur et qui vous donnent, qui vous ouvrent beaucoup d'opportunités. Ces articles sont très puissants parce que moi-même, je les ai. J'ai près de 28 bagues avec moi. Je ne vous le cache pas. Mais ça a été sélectionné. Donc, troisième condition initiatique que moi je propose, ma méthode, je vous recommande des amis qui me sont proches. Pour ceux qui ont les moyens, je vous recommanderai ces amis-là afin de vous faire des articles si vous voulez. Ça, c'est la troisième. Donc, j'ai été clair. D'accord? Des articles. Et je recommande également des livres pratiques. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des grimoires. Voilà. Il y a des grimoires très puissants que vous pouvez utiliser chez vous. On vous dit mélanger ceci, c'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle l'alchimie mystique, l'alchimie spirituelle, comme le livre écrit par M. Balsamo, que je détiens l'exemplaire. Vous suivez les instructions là. Mélangez telle avec telle chose. Veuillez prendre un pigeon blanc ou un pigeon vert, mélanger avec le cœur du chat, ceci, cela. Et c'est réel ce que je vous dis. Quand vous allez faire tous ces mélanges-là, vous-même, vous allez voir comment les forces vont vous bousculer dans la maison. Il y a des livres comme ça. Et ça, j'ai la liste de ces livres-là. Si vous les voulez, je vous les recommande. D'accord? Ça, c'est la troisième méthode initiatique que je propose et que je fais pour certains parmi vous. Quatrièmement, je réponds à toutes vos questions et je vous guide. Ça, c'est la forme maintenant de l'initiation. Maître, je voudrais parler avec vous. OK, vous me laissez l'audio et je vais écouter votre message. Je l'analyse. Parfois, certains ont mes maîtres, vous, depuis que tu envoies le message. Mais parce que vous êtes dans le flou, même si je ne comprends plus bien, si je ne parle plus bien français, mais je comprends quand même. Quel que soit le français que vous parlez, que ce soit le français canadien ou parisien. D'accord? Mais deux fois, ce que vous me demandez là, ce n'est pas clair. Voilà pourquoi je ne vous réponds pas vite. Et là, dans ce cadre-là, pour ceux qui sont dans cette situation, je crois qu'il y a moins une bonne vingtaine, veillez dans ce cas. Demandez rendez-vous. Et quand vous demandez rendez-vous, on parle pour moins de 10 minutes, pas plus. Si c'est plus de 10 minutes, vous payez. C'est déjà une consultation. Donc, je le répète, ma quatrième méthode initiatique, c'est celle qui consiste à vous. Vous là, vous m'appelez, vous dites, mon maître, j'ai une préoccupation, je veux prendre rendez-vous. Votre rendez-vous, vous précisez bien, c'est pour une consultation. Ou bien, j'aimerais avoir une étude. Ne confondez pas l'étude complète de votre personnalité. Ne mélangez pas. Parce que j'ai vu des gens dire, je veux une étude complète de la personnalité et une consultation. Non, c'est deux choses différentes. Là, vous allez vous retrouver à payer 500 $. Une étude complète de votre personnalité, c'est 160 $. La consultation individuelle, mystico-spirituelle, c'est 250. C'est-à-dire là, je vous consulte, ça veut dire, je vous permets de poser des questions, je rentre dans votre vie intime, je vous fais des révélations. Ça, c'est la consultation spirituelle. 250. Il faudrait que ce soit clair. Donc, ne mélangez pas tout. Parce que moi, sinon, je me dis, oh, tiens, donc 160 plus 250. Moi, je fais mes calculs. Donc, vous voulez à la fois et l'étude et la consultation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent là pour l'étude complète de la personnalité. C'est simplement vous dire qui vous êtes, en fait. Parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas. Parce que quand on va vous dire qui vous êtes, initiatiquement parlant, c'est là où, au lieu d'aller manger le bois sacré, mais moi, je vous le révèle. Je vous révèle déjà qui vous êtes, en fait. Parce que beaucoup disent, non, moi, je vais aller manger le bois sacré pour découvrir qui je suis. Mais voyez la différence? Mais moi, quand je vous fais votre étude complète, je vous dis déjà qui vous êtes. Vous avez déjà pas une idée. Vous avez une idée totale de qui vous êtes. Après, vous dites, oh, voilà pourquoi les choses sont bloquées, voilà. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez changer votre nom. Voilà la quatrième méthode. Est-ce qu'on est d'accord? Veuillez visionner les vidéos pratiques pour la plupart qui sont ici. Rentrez dans les forums et posez des questions. Je vous recommande des articles magiques très puissants qui marchent. Et je les ai expérimentés. Et je vous ai dit, j'ai près de 28 bagues avec près de 14 chaînettes. Je ne sais pas, il y en a trop. Ce sont eux qui me les offrent. Quand vous allez recevoir des initiations, ils me les offrent. C'est des trucs déjà chargés. D'accord? Bon, en dehors des symboles que les loges m'ont donnés, d'autres à gauche, à droite, les 27 initiations, chaque cercle initiatique m'a donné un symbole. Chacun. Le Boutouba ou encore le Cheno Frère de Boueté, chacun a donné son pouvoir. Et tout cela, c'est avec moi. Donc, ce genre de privilèges, je peux vous les donner. Ça, c'est 4. Maintenant, cinquièmement, en dernier lieu pour clôturer notre petit live, c'est en ce moment quand je verrai le sérieux que vous avez réellement changé, je vais vous introduire maintenant dans la grande initiation qu'on appelle l'initiation forte. Parce que l'initiation douce, c'est les livres, ce sont les vidéos que vous suivez, les connaissances que M. Moreau nous vient partager avec vous, vous les expérimentez, ça marche tant mieux, il n'y aura pas trop de conséquences. Les conséquences, c'est que si vous ne pratiquez pas, vous ne verrez rien. Maintenant, l'initiation forte, là, en ce moment, quand je constaterai que vous êtes quelqu'un de sérieux, je vais vous recommander auprès de mes frères pygmées. Je répète, mes frères pygmées. Il y a aussi quelques frères gabonais qui sont des frères Tsoro et Bapindji pour maintenant aller recevoir votre initiation forte, que ce soit dans le Bouété ou bien dans le Ndjobi, au Congo et au Gabon. Voilà les terroirs que moi je maîtrise et que je connais des gens. Là, en ce moment, vous me contactez et je vous envoie. Et on ne faut plus discuter l'histoire des prix. On en a parlé ici, là. Que l'initiation, ce n'est pas, oh, mais comment il m'a demandé 2 millions, yo, c'est trop cher. Non, non, non, non, non. Ça, c'est votre business. Et j'ai toujours recommandé que, quand vous voulez maintenant l'initiation forte, c'est-à-dire que celle-là qui va vous bousculer le corps, là, vous allez maintenant voir vos ancêtres. Vous allez vis-à-vis. Vous n'avez pas besoin de trop étudier les livres ou bien trop écouter mes vidéos. Vous voulez maintenant rentrer dans l'initiation forte qui vous amène de manière brutale dans le monde de l'au-delà et rencontrer les vôtres. Ça, là, préparez la poche. Hein. Minimum au moins 1 500 000, voire 2 millions. Mais par mesure de prudence, souvent je prévois les gens, je demande aux gens de prévoir au moins 2 millions. Parce que quand vous allez faire votre déplacement, il y a beaucoup de choses qu'on va vous demander. Mais l'initiation à elle seule, c'est entre 1 500 000 et 2 millions. Voilà. Ça, j'ai investigué. J'ai fait des recherches, que ce soit au Congo, au Gabon, les prix varient comme ça là. Si maintenant vous n'êtes pas d'accord sur ça, ça c'est votre business. Là, je parle maintenant de la cinquième méthode que moi je propose. Mais c'est réservé uniquement aux gens sérieux, pas aux boudeurs, pas les gens qui cherchent les fétiches. Oh vite, vite, moi je vais charmer la femme là. Moi, ne me demandez pas l'histoire de charmer les femmes. Ne me demandez pas l'histoire d'aller enfermer la pauvre femme dans le cadenas n'importe comment. Tu dois aimer la femme naturellement. Vos sentiments devaient être des sentiments nobles, purs et sains. Vous n'avez pas le droit d'embrigader l'esprit de quelqu'un. Vous n'avez pas le droit d'embrigader l'esprit de l'homme ou de la femme. Sauf s'il y a ce qu'on appelle une entente mutuelle dans votre couple, auquel cas vous êtes contre les lois et les courants cosmiques. Or, Teta Mwanga n'aime pas quand vous êtes contre les courants cosmiques. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Que Teta Mwanga Dibanga Mwanga vous bénisse et veillez s'il vous plaît sur cette audio, cette vidéo de 43 minutes à tête reposée. Et je crois que vous aurez tout compris. D'accord? Donc, il n'y a pas de questions à poser ici. C'est simplement pratiquer ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci, oh, merci beaucoup.